Ouais. Ok. Allez. Allez. On le fait? Ouais. Comment est-ce qu'on fait pour le BPM? Ça, c'est horrible. Donc on fait vote. Non, c'est quoi? C'est point d'exclamation. Tu vois? Use. Point d'exclamation. Vote BPM. Tu vois le premier truc? Topic is. Tu vois? Tout en haut. Mm-hmm. Donc, l'idée c'est qu'on met point d'exclamation, vote. Bah, je peux écouter chez vous. Et Non, tu peux pas quand tu marches pas très bien. Enfin, tu peux toujours essayer. Je vais écouter, je pense. Vote BPM. C'est ouf. 50. C'est 20-50. Ne me hurle pas dans les oreilles. S'il te plaît, j'ai un micro, moi. Voilà. Donc, vote. On est à combien là? Il faut voter pour 150. Du. On a qu'à mettre 80. Pour du. Ouais, 80, c'est un peu de, ouais, du 100 quoi. Bah oui, c'est. Vote BPM. Genre. Non, mais 80. Mais 80, ok, mais. Ok, est-ce que ça va changer quelque chose? Super quoi. Je vois même pas où tu vois ça. Topic is use. Mais tu l'écris, dans ton truc comme si tu écrivais du texte. Ouais, d'accord. Point d'exclamation. Vote. 80. Mais lui aussi, il va falloir qu'il mette la même chose, sinon on ne peut pas le faire. Vote 80 BPM. Et tu le rentres. Romain, tu l'entends? Oui. Ouais, bah la personne, parce que tu m'entends, toi? Dans le micro? Dans le micro? Parce que toi, ton truc, il marche pas, on t'entend pas. D'accord, donc toi, si t'es connecté, il faut que tu mettes pareil. Pareil, t'écris, vote 80 BPM. Là où t'écris le texte. T'écris point d'exclamation, vote 80. Tu l'as pas fait, toi? Si, je l'ai fait. Si, je l'ai fait. T'apparais où? Bah, j'apparais, genre, juste en dessous de Gizmo à 195. Et il y a marqué voting system. Où tu as ça, toi? Dans ton. Tu vois pas dans le truc à la MSN là? Genre, enfin moi en dessous de mon. MSN. Mais non, mais le genre, la fenêtre. Je vois pas. Ouais, voilà. Bon, alors moi ça y est, j'ai voté pour un 80 BPM. Ça y est. Oui, j'ai vu. Alors, en revanche. Le problème, c'est le truc, c'est que Romain, on le voit pas. Romain, on le voit pas. Mais non, parce qu'il n'a pas de micro, donc. Quoique non, on tape plus le micro. Du moment qu'il est connecté, on doit le voir. Ouais, c'est clair. Non, on ne le voit pas. Et c'est à toi de voter, Karine, pour le BPM. Non, mais moi j'ai déjà voté. Ah, voilà. Ah, ça y est. Ah non. Voilà Romain. Alors c'est moi qui ai lancé le vote. Alors... Ouais. Super bizarre, super bizarre. Ouais. Mais ça a absolument rien changé du tout. Each vote expire dans 120. La moitié des votes pour. Qui c'est qui a pas voté? T'as mis. Vote pour 80. BPM 80. C'est pas BPM 80, c'est 80 BPM. Il faut que tu revotes. Ouais, j'y vais. Help. Point d'exclamation, vote 80. Tu mets ça. Mais c'est pas toi! Mais attends. Mais non, mais je. C'est toi qui dois le retaper. Mais je l'ai déjà fait 15 fois, je veux bien le... Mais pourquoi t'apparais pas alors? T'as vu ce qui apparaît? Des points d'interrogation, help, machin. Mais ça, c'est Romain, ça. Non! C'est Romain? Gizmo, c'est Romain? Mais oui, il est sur mon ordi. Ah putain. Non, mais à partir du moment où t'es sur le serveur, vraiment, il faut que tu votes pour notre BPM. C'est qui Salvus? Oh merde, il y a un mec qui vient de se connecter. Aucune idée. Ah mais non. C'est le mec. Non, attends, moi j'ai créé un truc. Moi je suis Kuhlmann, c'est Romain Kuhlmann que j'ai. Mais non, Romain c'est Gizmo, il est sur mon ordi. Là, moi qui suis sur l'ordi de Romain. Ouais. Je suis Kuhlmann, d'accord. Mais tu l'étais déjà tout à l'heure. C'est pour ça que tout à l'heure quand tu disais putain c'est qui Kuhlmann, c'était moi. Mais oui, mais je me souviens très bien, mais tu étais sur ton ordi, donc c'est pour ça que je comprenais pas. C'est toi qui étais sur le mien et j'étais là. J'étais sur l'ordi de Romain. Et tu disais, moi je te parle de ce matin. Non, moi je te parle de tout. C'était tout à l'heure, Kuhlmann, c'était pas ce matin. Bon, ce truc de 80 pieds. Comment ça se fait en mettant. C'est bon, le mec s'est cassé. Qu'on m'entend. Bah parce que le micro est bon. Enfin. Ah ouais, peut-être aussi. On est trop près. Bon, alors il faut trouver si ça existe ou pas. Alors, il faut qu'on tape tous. Allez. Alors voilà, tout le monde tape. Tout le monde tape. Machin, point d'exclamation. Vote 80 BPM et on tape en même temps. Nous avons des micros. Ah, ça va, dis donc. Oh. 80 BPM. Ok. Attends, mais. Alors voilà, je vais parler tout doucement. Et tu as lancé le truc. Ça y est, moi je l'ai fait, hein. Eh hey, mais il fallait, l'idée c'était qu'on le fasse tous ensemble. Voilà, hop. Non, moi aussi je l'ai balancé. Le faire tous ensemble, c'est de le faire en même temps. Mais le truc c'est que je n'apparais pas. Il n'y a pas marqué Kuhlmann, vote, machin, c'est ça. Je Normalement, si, normalement sur ton truc il doit y avoir marqué voting system. La moitié vote pour machin. Eh hey, mais je comprends pourquoi t'es sensible, j'entends ma voix dans ton casque. Donc c'est un peu. T'entends ma voix dans ton casque. Qu'est-ce que tu racontes? Quand je parle, j'entends ma voix dans ton casque. Mais c'est tellement fort. Donc il faut que tu baisses le son. Dans ton casque. Ta voix dans ton casque, pas dans mon casque. Non, mais parce que je m'entends avec un décalage. Mais moi c'est pas. Je m'entends avec un décalage. Ce que je te dis. Mais non, mais le truc c'est que ton casque est le son de ton casque est réglé beaucoup trop fort. C'est ça le truc. C'est pour ça que tu te niques. Je dis que j'étais au minimum. C'est ouf. Bon, tout le monde a voté ou pas? Parce que ça change toujours pas, là. C'est qui le leading candidate?